des choux à la mode par chez nous. On les plante avec nos pieds à la mode, on les plante avec nos pieds à la mode de par chez nous. On les plante avec nos mains à la mode, on les plante avec nos mains à la mode par chez nous. On les plante avec nos têtes à la mode, on les plante avec nos têtes à la mode par chez nous. On les plante avec nos genoux à la mode, on les plante avec nos genoux à la mode de par chez nous. On les plante avec notre nez à la mode, on les plante avec notre nez à la mode de par chez nous. On les plante avec notre bouche à la mode, on les plante avec notre bouche à la mode de par chez nous. Savez-vous planter des choux à la mode par chez nous? On les plante avec nos pieds à la mode, on les plante avec nos pieds à la mode par chez nous. On les plante avec nos mains à la mode, on les plante avec nos mains à la mode par chez nous. On les plante avec nos têtes à la mode, on les plante avec nos têtes à la mode de par chez nous. On les plante avec nos genoux à la mode, on les plante avec nos genoux à la mode de par chez nous.